Bon, les gars, pour la fin d'année, j'ai réussi à caler un dernier crossover avec un podcast. Mais trop bien ! Ah, mais on a vraiment fait la saison des crossovers. Tu peux nous en dire plus ? Avec qui ? C'est sur quoi ? Alors, c'est avec le podcast. Qu'est-ce qui devient ? C'est un podcast sur le cinéma et, bon, par contre, le présentateur est belge, quoi. Je passe. J'ai la phobie de leur accent. Ah, ouais, pas très chaud. Ah ouais, bah pourquoi ? Bah, on a quand même fait des putains de gros crossovers et là, se rabaisser à ça, bon... Ouais, non mais moi je suis d'accord avec Gus, je suis plutôt de cet avis. On a toujours privilégié les crossovers de qualité. Ah merde, parce que l'enregistrement, en fait, il est déjà prévu, là. Bon, bah t'as qu'à envoyer Flony, il aime bien faire des trucs de merde, lui, il connaît ça, il sait faire que ça, regarde ses chroniques. Ouais, sinon, j'annule, hein, on va pas s'aborder pour faire plaisir à ces cons, hein.